fougueux à qui l'on fait place aux zéphyrs. Pour faire résonner son bois, et déjà l'amoureux s'attire, poursuit d'un pied léger les nymphes de ses bois. Chaque jour la brillante flore par nos champs de mille fleurs, et le soleil s'échant les larmes de l'aurore, donne un nouvel éclat à leur vive couleur, tout s'embellit les humides. Font servander leurs eaux sur les gazons naissants, et les sylvains, les faunes, les dryades célèbrent par des jeux le retour du printemps, et les sylvains, les faunes, les dryades célèbre par des jeux le retour du printemps.